Bienvenue à tous. Vous écoutez les Chroniques du Bois Caïman. Merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Et oui, on va encore parler de démocratie, ou plutôt de non-démocratie sur le continent, où celle-ci semble si mal aimée et si mal menée. Mais attention, ici comme ailleurs, les apparences peuvent être trompeuses. Le 24 mai 2021, à Bamako, au Mali, Assimi Goïta et ses hommes déposent le président Bandao. Assimi Goïta était pourtant son vice-président. Le 5 septembre 2021, des militaires sous la conduite de Mamadi Doumbouya s'emparent du palais présidentiel et capturent Alpha Condé en Guinée. L'ancien opposant devenu président, devenu entre-temps accro au pouvoir, l'effet addictif sans doute. Les putschistes décident alors la destitution et l'arrestation d'Alpha Condé, la suspension de la constitution, la dissolution du gouvernement et des institutions, la fermeture des frontières jusqu'au 17 septembre 2021, la mise en place du Comité national du rassemblement et du développement, la mise en place d'une transition, la nomination d'un premier ministre. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré dépose Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso, lui-même qui quelques mois plus tôt avait chassé le président Kabore, inaugurant une période de transition qui se prolonge de fait. Les nouvelles autorités annoncent la destitution de Paul-Henri Sandaogo Damiba, la dissolution de l'Assemblée législative de transition et du gouvernement, et la suspension temporaire de la Constitution. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'au Niger, Mohamed Bazoum subisse également les foudres de ses militaires. Il a d'abord été retenu par des hommes de sa garde avant d'être destitué par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Quelques remarques à propos de ces coups d'État. Primo, ces coups d'État se sont déroulés avec peu d'effusion de sang. Le président déposé n'a pas été exécuté dans la foulée. Les putschistes semblent, en tout temps, vouloir contrôler la violence inhérente à ce type d'action. Deuxièmement, ces coups d'État ont tous, presque tous, provoqué des manifestations de joie au sein de la population qui a applaudi la fin du régime démocratique, le cas échéant, et le retour en force des militaires. C'est comme si ces populations refusaient la démocratie. Ailleurs en Afrique, ces coups d'État ont également été considérés avec une certaine sympathie au sein de la société civile. C'est à peine si les populations ne font pas un appel du pied aux armées de leur pays en donnant en exemple ces noms devenus si populaires, Doumbouya, Traoré, Goïta ou Tchiani. Que s'est-il donc passé pour que les peuples en appellent à la solution coup d'État? Au moins deux choses à mon avis. Dans un premier temps, au début des années 90, la démocratie a été vendue aux Africains comme la solution à leurs problèmes de développement. Un homme, une voix, et l'Afrique sera prospère. Force est de constater que 30 ans plus tard, la misère est tellement prégnante que la Méditerranée a été transformée en cimetière pour ces milliers de jeunes venus d'Afrique subsaharienne à la recherche d'un mieux-être en Europe. Le nombre de conflits comme les risques sécuritaires ont été multipliés par 2, par 10, voire par 100, un peu partout. Lorsqu'elles sont organisées, les résultats des élections ne correspondent pas aux voix exprimées, si bien qu'au bout, la légitimité des proclamés élus est toujours sujette à caution. Les cycles électoraux se succèdent et se dégradent au fur et à mesure. Le cycle actuel est toujours pire que le précédent, tout en étant meilleur que le suivant. Un exemple pour illustrer cela, au Congo-Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a proposé des cartes d'électeurs à l'encre effaçable, si bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'un duplicata vendu environ 2 $ américains. Pour beaucoup en Afrique, la démocratie tant vantée est une tromperie sur la marchandise. On a donné pendant 30 ans et on voit le résultat. En même temps, existe dans le monde un contre-modèle parfait, la Chine. Elle est prospère, elle est respectée et elle n'est pas démocratique. Deuxième chose à prendre en compte pour comprendre ce qui se passe et pour rester dans le thème, les jeunes générations considèrent également que les indépendances des années 60 sont une tromperie sur la marchandise. Comment peut-on parler d'indépendance lorsque la monnaie de ces pays s'appelle le franc CFA et est fabriquée en France, lorsque la défense nationale est tributaire des bases françaises ou américaines installées dans différents pays, et lorsqu'on attend les instructions du Quai d'Orsay avant de voter la moindre résolution aux Nations Unies. Les générations conscientes, galvanisées par des figures comme Kémi Séba, Nathalie Yomb, Claudie Siard ou Lasconi, friandes lectrices de Marcus Garvey et ou de Cheranta Diop et de tant d'autres, aspirent à autre chose qu'à des chimères. Du style pour cela, passer par la case coup d'État.